Josué chapitre 4. Or il arriva que quand tout le peuple eut achevé de passer le Jourdain, parce que l'Éternel avait parlé à Josué, et lui avait dit, prenez du peuple 12 hommes, savoir un homme de chaque tribu, et leur commandez, en disant, prenez d'ici du milieu du Jourdain, du lieu où les sacrificateurs s'arrêtent de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous. Et vous les poserez au lieu où vous logerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait ordonnés d'entre les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous lève une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe parmi vous, et quand vos enfants interrogeront à l'avenir leur père. En disant, que signifient ces pierres-ci? Alors vous leur répondrez que les eaux du Jourdain ont été suspendues devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, que les eaux, dis-je, du Jourdain ont été arrêtées quand elle passa le Jourdain, c'est pourquoi ces pierres-là serviront de mémorial aux enfants d'Israël à jamais. Les enfants d'Israël donc firent comme Josué avait commandé. Ils prirent 12 pierres du milieu du Jourdain, ainsi que l'Éternel avait commandé à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux au lieu où ils devaient loger, et les posèrent là. Josué aussi dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, au lieu où les pieds des sacrificateurs, qui portaient l'arche de l'Alliance s'étaient arrêtés, et elles y sont demeurées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs donc qui portaient l'arche, se tinrent debout au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout ce que l'Éternel avait commandé à Josué de dire au peuple fut accompli, suivant toutes les choses que Moïse avait commandées à Josué, et le peuple se hâta de passer. Et quand tout le peuple eut achevé de passer, alors l'arche de l'Éternel passa, et les sacrificateurs devant le peuple. Et les enfants de Ruban, et les enfants de Gad, et la moitié de la tribu de Manassé, passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Ils passèrent, dis-je, vers les campagnes de Jéricho environ 40 000 hommes en équipage de guerre, devant l'Éternel, pour combattre. En ce jour-là l'Éternel éleva Josué, à la vue de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie. Or l'Éternel avait parlé à Josué, en disant, commande aux sacrificateurs, qui portent l'arche du témoignage, qu'ils montent hors du Jourdain. Et Josué avait commandé aux sacrificateurs, en disant, montez hors du Jourdain. Or sitôt que les sacrificateurs, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, furent montés hors du milieu du Jourdain, et que les sacrificateurs eurent mis sur le sec les plantes de leurs pieds, les eaux du Jourdain retournèrent en leur lieu, et coulèrent comme auparavant, par-dessus tous les rivages. Le peuple donc monta hors du Jourdain, le 10e jour du premier mois, et ils se campèrent en Gilgal, à l'orient de Jéricho. Josué aussi dressa en Gilgal, ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Et il parla aux enfants d'Israël, et leur dit, quand vos enfants interrogeront à l'avenir leur père, et leur diront, que signifient ces pierres-ci? Vous l'apprendrez à vos enfants, en leur disant, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu, fit tarir les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous fussiez passés, comme l'Éternel votre Dieu avait fait à la mer Rouge, laquelle il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous fussions passés. Afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu.